FrenchPod.com. Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît ? Au premier étage. Et où sont les escaliers ? Par là, monsieur.